Bonsoir. Rebonsoir. On va travailler, d'accord? Apparemment, vous êtes bien reposé, non? Oui. Voilà, on va procéder maintenant aux questions et aux réponses. Toutes vos préoccupations, vous avez les réponses. Et s'il est besoin, on va encore prendre un autre sujet dans la Bible. On pourra parler pendant 2 ou 3 heures de temps, d'accord? Comment tu dirais? Tu veux la partie déjà? Hein? Que Dieu bénisse. J'attends des questions. J'attends des questions. Vous avez écouté depuis aujourd'hui, vous avez écouté des choses. Vous avez écouté des questions. Je crois qu'il y a une chaise là-bas. Tu veux qu'on arrête déjà, hein? Tu es fatigué. Ou tu attends maman, que maman vient te prendre. Tu dois rentrer à la maison. Tu veux d'avoir tes frères. On a trop duré déjà. Bon, tu vas aller fêter. Tu avais là repassé ton habit. Tu avais fait quoi là? Oui. On arrête la prière, on arrête au bout aujourd'hui. Trop de prédication, tu la prédication. Oui. Mais c'est quoi là? Oui, mon cher. Oui, Fred, j'ai une question. Ça concerne en fait l'une des parties de ce que nous avons fait aujourd'hui. Le fait d'honorer cette. Toi, dans ce qu'il dit. Le fait d'honorer son père et sa mère. Oui. Bon, ma question c'est ceci. L'exemple d'une jeune fille, d'une jeune sœur, puisque aujourd'hui nous avons parlé de Dieu, qui. Que tu parles à haute voix. Je dis, voici une sœur, une jeune sœur. Non, qui... non, pose la question directement. Pose la question. On arrive rapidement. Oui, frère, je veux savoir. Oui. Dans le cadre d'honorer ses parents. Oui. Quelle est la réaction ou l'attitude qu'une jeune sœur devrait afficher devant ses parents lorsqu'un jeune frère vient lui dire que je vais te prendre pour épouse? Et quelle attitude à afficher? Attitude comment? Je veux dire, dans le but d'honorer ses parents, doit-elle oui. dire à ses parents que voici tel frère m'a demandé avant d'accepter, ou bien doit-elle accepter et puis annoncer à ses parents? Quand les garçons les draguent dehors, quand ils rentrent, ils disent à leurs parents que maman, papa, on m'a dragué dehors? Jamais. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle devrait faire dans le domaine de la drague là? Elle devait dire à les parents. Hmm? Elle devait normalement. Et nos parents sont avec lui pour dire que c'est la dernière fois. Il voit qu'il détourne la tête de l'enfant. C'est pas vrai. Qu'est-ce que l'enfant, pour répondre à sa question, qu'est-ce que la jeune sœur doit faire pour honorer les parents? Moi, je veux qu'on pose la question maintenant, c'est quoi honorer les parents? Non, c'est même pas là où tu devais en venir, parce que la Bible dit qu'on honore les parents. Tu as pris un contexte de mariage pour aller mettre la barre sur ça, pour parler de honorer. Donc elle a orienté son mari au niveau de honorer les parents. Est-ce que la Bible parle honorer les parents quand vous allez vous marier, que les jeunes filles... On a dit ça. On a dit qu'honorer les parents. Selon le Seigneur. Qu'est-ce que ça a à voir avec ces choses-là? Bon, pour ma part, je pense que en principe, si quelqu'un lui a fait la cour dehors, quand elle vient... Normalement, pour une fille. Si on lui fait la cour, elle couvre ses parents, non? Non. En principe, frère, ce qu'elle fait normalement, pour oui. une fille qui respecte sa mère, oui. elle doit non. Si, parce qu'il faut d'abord qu'elle ait accepté, il faut d'abord qu'elle ait approuvé le gars. Mmh. Le gars lui a. Et si ce n'est pas un gars, lui, il parle dans un contexte du frère. Il a dit frère. Donc c'est différent, ce n'est pas un gars. Ce n'est pas un bon gars. Parce qu'on a dit là-bas que le petit amitisme s'est terminé, non? Amen. C'est pas ça qu'on a dit. Mmh. Donc si dans son cœur est par rapport au frère. Il faudrait mieux pour elle d'aller annoncer à sa mère et lui dire clairement que le gars l'a plu, que le frère l'a plu et que ça avait elle et que ça avait le gars qu'elle voudrait passer sa vie. Oui. Maintenant, c'est son choix. Oui. Si sa mère maintenant doit s'opposer, oui. si déjà elle consent à ce que son frère soit avec elle, la mère ne pourra plus rien faire parce que elle a dit ah. Non, c'est mieux parce que je ne suis pas une femme, c'est mieux qu'on demande aux femmes. D'accord. Amen. On commence par là-bas. Madame. La sœur là, la question se pose ici. Concernant tout ce qu'on a vu aujourd'hui par rapport à honorer les parents. Si quelqu'un vous demande la main, vous irez dire à vos parents. Hein? On continue ici. Écoutez bien les réponses. Les réponses se trouvent ici là. Elle, la première, a dit oui. Allons-y, deuxième. À haute voix, non? Naturellement. Donc, comme tu dis que. Donc, ma mère dit, maman, on prend ma main. Ça, c'est naturel. Naturellement, on avance là-bas. Oui. Mm-hmm. Tu n'as pas bien compris la question. On ne revient pas là-bas. Pose la question à haute voix. Oui, frère, la question c'est ceci. Pas le frère. Un frère, est-ce que la jeune sœur devrait aller rencontrer ses parents pour lui dire que voici, tel frère m'a demandé un mariage, oui, pour accepter, ou bien doit-elle accepter avant d'annoncer à ses parents? Tu vas aller dire à tes parents? Moi, je dirais que c'est oui, c'est oui ou c'est non? Comment? Tu, elle ne connaît pas. C'est, elle est douteuse, oui. Si à l'école, à rentrer à l'école, quelqu'un te dit que bon, bon, bon, je vais t'épouser. Tu, quand tu dis ça à la maison, tu dis à maman que maman, on a dit à Wallah, on veut m'épouser. Un frère, hein? Oui. Est-ce que c'est maman qui va se marier? Réponds alors à la question, non? Parce que ça, c'est me demande que c'est maman qui va se marier à sa place. Donc en clair, tu vas dire quoi? Tu n'as pas besoin de lui dire, non? Non, pas besoin. Mais je ne lui dis pas pour demander son avis. Oui. C'est moi qui va répondre. Voilà. Parler de la jeunesse du 22e siècle. Allons-y ici. Bon, moi, je dirais si le. Si le frère t'intéresse, c'est vous entendez même? Non, non, mais on n'entend pas. On va entendre vos réponses là-bas. Si le frère t'intéresse, le choix te revient. Oui. C'est ce que tu peux dire. Tu acceptes des choses en route. Puis tu vas dire à maman que. C'est le choix te revient. Si le choix te revient. Oui, ma soeur. Avant de dire oui ou non. Ok, maintenant, à l'issue des informations de tes parents, si tes parents disent que sa tête ne me plaît pas, tu rentres et dis que passe ta route, c'est ça? C'est-à-dire que le choix de tes parents, c'est ton choix, c'est ça? Je vais tout d'abord informer avant de prendre une décision. Donc, avant de prendre la décision, j'ai oublié de me donner la décision finale. Donc, en clair, si tu ne dis pas encore oui, tu ne dis pas non. Tu parles d'abord dire aux parents. Si les parents disent non, toi aussi, tu ne vas pas avec lui, tu vas dire quoi? Si tu ressens ce qui est bien, tu peux pas dire quoi? Oui. Alors que tes parents disent, en ce sens, est-ce que tu les honores? C'est là où on touche maintenant le commandement. Réfléchis-y, d'accord? On continue ici. J'irai le dire, sachant d'abord ce qui est dans mon cœur. Et qu'est-ce qui sera dans ton cœur, ma soeur? Si c'est oui. Oui. Si c'est oui, je dirai à ma mère en disant qu'il me plaît. Qui te plaît? Et si ta mère dit que lui, il ne me plaît pas, sa tête ne me plaît pas. D'abord, leur famille, c'est une mauvaise famille. Je connais sa grand-mère. Sa grand-mère avait tué tous les gens de sa famille. On les connaît comme les sorciers. En fait, les enfants des serpents sont les serpents. Tu pars là-bas, oublie-moi. Je vais soulever mon cabas pour te maudire. Si la mère dit comme ça, tu vas dire quoi? Je vais parler avec ma mère. Et je vais lui faire voir l'exemple. Je vais lui faire voir ce que. Elle refuse de voir. Elle dit qu'elle veut en parler. Bon, le Seigneur va gérer le Seigneur va gérer même dans ton cœur, n'est-ce pas? Non, dans mon cœur. Entre le temps, le garçon dit que je veux qu'on se marie demain. Tu dis que entre temps, tu dis que le Seigneur va gérer. Donc, en fait, tu laisses le rester. Tu laisses entre les mains le Seigneur. Entre temps, ton cœur brûle, n'est-ce pas? On continue ici. Oui. Oui, tu dis que quoi? Je vais dire à mes parents. Donc, on se dit que quand tu coupes à tes parents, n'est-ce pas? Oui. Même chose. Oui. Voilà. Autre question. Si vous n'avez pas de questions. Moi, je vais vous poser des questions ici, une à une. Il y en a tonnes de questions ici, comme ça, ici à l'intérieur. Vous me connaissez, non? On peut poser des questions en privé. Nous sommes ici, dans la question. Nous sommes en assemblée, quel processus privé. On a parlé tout à l'heure. Oui, mon cher. J'ai suivi un de vos enseignements. Apparemment, vous étiez à Bafoussa. Qui est ici? Qui est assis ici? Bon, comme on n'est pas, viens t'asseoir ici. Il y a de la musique mondaine là-bas. Il y a d'autres qui sont déchantés ici dans le cœur. Même musique. Ici derrière moi. Avant que c'est la top que je suis comme ça, au milieu, on a dit qu'on ne chante plus ça. Oui, vas-y, pose la question ici. J'ai suivi un de vos enseignements. Vous étiez à Bafoussam. Oui. Et vous avez dit que. Est-ce que moi je fabrique les nuits? Vous-même, vous avez vu les nuits qui étaient ici hier. Ça vous pensez que c'est moi qui était. Qui a fait ça? Quelque chose comme ça. Là, c'est moi qui ai fait prévenir ces nuits ici. Oui, je voulais savoir, c'était quoi? Tu n'étais pas à Bafoussam, ça ne te concerne pas. C'était pour ceux qui étaient là-bas. Quand tu es dans l'Ancien Testament, on dit que la nuit, elle les suivait. La colonne de Dieu, elle suivait. Tu étais là-bas. C'est le renseignement qu'on nous donne. Point. On continue des questions. Oui, ici mon cher Christian. Oui, dans le livre de Matthieu, le chapitre 6, frère. Oui. Dans la prière modèle. Oui. Le Seigneur Jésus nous recommande de pardonner. Afin que le Père puisse nous pardonner. Oui. J'aimerais savoir concrètement la différence entre le pardon et la réconciliation. Le pardon implique automatiquement la réconciliation. Il peut avoir la réconciliation sans pardon. Mais il ne doit pas avoir pardon sans réconciliation. Il peut avoir réconciliation sans pardon. Par exemple, cette sœur-ci et ses frères ont des problèmes. Ils ne se parlent pas. Quelqu'un vient. Quand celui-là vient, on l'appelle qui? Médiateur. Je viens jouer médiateur. C'est pour faire qu'il y ait entente. Il dit, qu'est-ce que tu as fait? Il donne sa part des choses. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Elle dit sa part des choses. Maintenant, je le mets sur le terrain d'entendre que pardonne-lui. Celui-ci peut dire, parce que je ne suis pas Dieu, il dit que je lui ai pardonné. Ok, je te pardonne. En ce salon comme ça. Je te pardonne. Vous voyez la façon que j'ai fait, non? Je te pardonne. Il a pardonné. Maintenant, après ça, il dit qu'il y a une réconciliation entre les deux. Mais le pardon implique automatiquement la réconciliation. C'est la loi de la croix. La loi de la croix veut que l'homme et Dieu étaient ennemis. Par la croix, Christ a réconcilié les hommes en leur accordant le pardon. Donc, c'est la scène maintenant qu'on a la paix avec Dieu, on peut causer avec Dieu, puisqu'on a pris quelque chose qui nous crée comme problème. Mais lorsqu'il y a réconciliation sans pardon, les choses qui créent obstacle se trouvent à l'intérieur des cœurs. Et donc ça, il faut que ça soit enlevé. Ce n'est qu'enlevé à cause du pardon. Et en dehors du pardon, il n'y a pas de possibilité de réconcilier. S'il y a réconciliation sans le véritable pardon dont on parle la Bible là-bas. Dans le livre de Luc, la Bible déclare, le Seigneur Jésus a dit que si ton père et ton frère pêche contre toi sept fois, et que sept fois le jour, il vient te demander pardon, tu dois lui pardonner. Ça veut dire que les choses que tu lui reprochais, tu vas devoir considérer ça comme non existante. En ce temps-là, la réconciliation entre en action, la réconciliation normale entre en action. Sinon, il y aura de l'amertume, il y aura des rétributions, il y aura la soif de vengeance et la soif de vouloir faire la même chose ou bien de faire du mal pour que la personne endure ce que tu as enduré. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, point de pardon sans réconciliation. Mais il peut y avoir des réconciliations sans pardon. Donc, en réalité, ce n'est pas une réconciliation comme on le dit. Il peut y avoir donc la réconciliation des façades. D'accord? Autre question? Oui, prenons ici. C'est dans Proverbe 16. Si vous parlez à cette voix-là, viens, viens partir. Proverbe 16. Oui. Proverbe 16, au chapitre, au verset 1 et au verset 9. Oui. La Bible dit, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche... Vient de l'Éternel. Oui. Le verset 9 dit, le cœur de l'homme médite sa voix. Oui. Mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Oui. Maintenant, j'aimerais savoir, parce que là, je ne comprends pas vraiment, est-ce que c'est pour dire que l'homme pense et l'Éternel réalise ses pensées? C'est ce qu'on a dit là-bas, c'est pas ça. Hein? C'est pas ce qui est écrit là-bas. Hein? Mais c'est un peu tordu, puisque à un autre endroit... Donc, la parole de Dieu est tordue. La parole de Dieu, d'après elle, est tordue. Est tordue. C'est ses pensées qui sont tordues, c'est la parole de Dieu. C'est tes pensées qui sont tordues. Parce que si tu gardes ton cœur, comme l'a dit au chapitre 4, car il dit car de lui viennent les sources de vie. La Bible déclare dans Proverbe, dans Psaume chapitre 5, 25, verset 12, il dit que c'est l'Éternel est bon et juste. Pourquoi il dirige, qu'il montre à voir la voie. Cette voie-là sont plantées dans son cœur. Donc les projets et votre avenir en réalité se plantent dans votre cœur par prédestination. Le vrai problème maintenant, c'est que plusieurs autres choses, des standards qu'on est en train de parler dans les enseignements, viennent étouffer cela. Un peu comme par exemple, vous mettriez votre habit. Vous connaissez quand vous avez les habits sales, le pôle où vous mettez, on met les habits, vous appelez quoi? Le panier d'habits. Vous avez mis un habit propre là-bas, les gens veulent mélanger avec l'habit sale. Il y a l'habit propre à l'intérieur, mais dans ce tellement nombreux où il faut fouiller, vous enlever l'habit propre. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est comme ça. Donc, quand Dieu te crée, par prédestination, il met sa pensée dans ton cœur. Ce que tu es censé faire, ton devenir, ça se trouve là-bas. Pour qu'il te montre ça, pour que tu connaisses le plan physique, ça vient donc par la vision, par révélation. Ce que vous voyez par vision sort de l'intérieur. Tu sais tout simplement que tu es censé faire ces choses. Et ça se fait de temps en temps que quand tu fais ces choses, tu réalises, tu as la paix à l'intérieur et tu es en harmonie, tu aimes la chose que tu en as de faire. C'est ça, n'est-ce pas? Le vrai problème maintenant, c'est que les choses viennent étouffer. Dans Proverbe chapitre 4, donc, verset 23, il dit que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ça se trouve à l'intérieur. D'accord? La Bible déclare que les projets dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. L'homme sage sait y puiser. Donc ça se trouve à l'intérieur du puits. Le problème, c'est qu'on a versé beaucoup de choses, comme dans un puits d'eau. On a versé beaucoup de choses, de cailloux. Il faut puiser cette eau-là, l'eau qui est propre, à l'intérieur. Le problème, là, c'est que les choses qui sont à l'intérieur du cœur sont plus nombreuses, les mauvaises, plus que ce qui est bon. Et donc maintenant, il faut d'abord nettoyer. Quand tu nettoies, la vision vient. C'est donc pour cela qu'on parle de la prière par esprit. Il faut que la voix du cœur sorte. Alors là, vous allez savoir de quoi Dieu a une question par rapport à vous. D'accord? C'est compris maintenant? Oui, mon cher. Déjà, ma question a trait avec la soumission aux anciens. Oui. Notamment les conducteurs. Je voudrais déjà savoir, premièrement, si est-ce que le Seigneur peut établir quelqu'un conducteur et que celui-là refuse d'agir selon le Seigneur et agisse tel que lui pense. Et oui. Que Dieu le maintienne dans son œuvre. Oui. comment reconnaître donc un serviteur du Seigneur marche d'après les instructions du Seigneur ou a mis les instructions du Seigneur du côté pour marcher d'après ce que lui pense. Il faut faire ce qu'il veut le dire là-bas. Il faut que ton cœur soit nettoyé pour que tu entends sa voix, pour qu'il te dise clairement ce qu'il en est, s'il est dans l'erreur. Parce que très souvent, pointe le doigt sur cette sœur-ci. Tu vois, quand tu as combien de doigts sont pointés contre lui, pour elle? Non. Combien est contre toi? Trois. Et combien contre. Celui-ci monte par où? De l'autre côté. Non, ça monte où? Le ciel. C'est-à-dire qui? Dieu. Donc, une personne accusée, combien de fois toi? Trois. Et combien de fois Dieu? Un. Donc, quand tu accuses une personne, tu accuses toi, la personne et Dieu. Et toi, le plus grave. Non, je ne suis pas au niveau de la plaque. Non, suis attentivement ce que je te dis. Oui. Tu as dit comment savoir si telle personne a quitté l'instruction. Tu n'es pas ancien, donc ta part, ce n'est pas de savoir ce que l'ancien fait. Ta part, c'est de faire. Parce qu'on a dit dans vos rapports, monsieur, comment on a lu 1 Pierre, chapitre 5. Oui. Dans vos, monsieur, que soyez soumis à l'ancien. La Bible déclare que soyez soumis dans l'ancien. Oui. Parce que la Bible lui a dit à lui d'abord l'exhortation. Que percez les âmes. C'est pour ça qu'on lui donne l'exhortation. Oui. Percez les âmes qui sont sous vos gardes. Voilà sa part d'exhortation. Et vous, votre part, c'est quoi? Soyez soumis aux anciens. Maintenant, quand tu prends ces choses-là, tu n'as pas laissé ta part, tu vois pour l'ancien. Donc, pendant que tu es dans la prière, pour nettoyer, comme on a dit, les projets, toutes ces choses qui sont dans le cœur, qui occupent le cœur, pour ne pas que la vraie nature que Dieu a prévue ne sorte. Alors, tu es dans l'occupation pour nettoyer. Si tu nettoies de la bonne façon, la première chose qui va sortir par rapport à l'ancien, c'est que prie pour lui. C'est ça qui est la question. Sinon, ce sera l'accusation. Comprends ce que je viens de dire? Sinon, c'est l'accusation. Il a fait que. Vous me saisissez? Donc, quand tu dis, il a fait que. Ok, maintenant, supposons qu'en un clin d'œil, Dieu le restaure. Est-ce que toi, tu as ta position de soumission aussi? Est-ce que quelque chose dans le cœur? C'est donc pour ça que la Bible déclare, comment peux-tu dire à ton prochain, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, alors que tu as la poutre dans ton œil. Autre, premièrement, quoi? La poutre. Ça veut dire que chaque fois quand tu accuses quelqu'un, quelque chose dans ton œil, quel est le morceau qui est dans ton œil à toi? Le plus gros, parce que la poutre, c'est ce qui soutient la maison. La paille, c'est un petit truc comme ça là. Donc, chaque accusation va pointer de quelqu'un. Regarde d'abord ton cœur. En réalité, personne n'est exempt de l'accusation. Et personne n'est exempt de la correction. Et personne ne doit juger les anciens. C'est pour ça que ce sont les anciens qui dirigent, qui doivent veiller à cela. Okay, comprends cela? Oui. J'aimerais prendre un cas précis. On parle de ces enseignements qu'on a fait aujourd'hui. Posez les questions. Allons-y ici. Des questions. Comment une femme, une jeune fille qui veut servir le Seigneur doit s'habiller au point de lui plaire au Seigneur? Je vais vous regarder. Quand vous regardez, vous posez les questions. Les questions que vous posez vous concernent directement. Ouais, comment vous avez fait tout pour vous habiller ici comme Madeleine, Sainte Madeleine, non? Vous avez vu comment vous toutes là, vous avez fait l'effort, il dit bien, l'effort pour vous habiller comme Sainte Madeleine, ou bien Sainte Marie de Magdala, ou bien Marie tout court, de Mère de Jésus, pas vrai? Mais quand vous êtes seul, répondez-moi directement, c'est comme ça que vous vous habillez, qui n'est pas dans la tendance rianique? Hein les filles? Comment vous regardez maintenant par la porte maintenant? C'est à moi, je pose la question. J'ai dit posez-moi la question. Si vous ne posez pas, moi je vous en pose. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Bon, elle a dit que c'est une question privée. Que comment je la dois seulement? Est-ce qu'elle est seule ici? Il pose la question ici. Oui, je voulais savoir aussi également dans Matthieu chapitre 4. Tu entends? Hein? Tu me suis, non? Il disait tantôt que dans Matthieu le chapitre 4, on nous présente là-bas le Saint-Esprit qui amène Jésus au désert pour être tenté. Oui. Dans Jacques, le chapitre 1, le verset 13, on peut comprendre que Dieu ne peut tenter personne. Est-ce que la chapitre 4, on a dit que le Saint-Esprit l'a tenté? Non. Mais on a dit que le Saint-Esprit l'a amené pour qu'il soit tenté. Mais on n'a pas dit que c'est lui qui tente. Ça ne se contredit pas. On n'a pas dit que Dieu ne tente personne. On n'a pas dit qu'il ne peut pas te conduire là-bas. Donc, là où tu es, ce n'est pas Dieu qui t'a conduit ici. Amen. C'est Dieu qui t'a conduit. Oui. Quand les gens qui voyagent, Dieu les conduit. On dit parce que on ne sait pas à l'homme lorsqu'il marche à diriger, je ne sais pas. Pas vrai? Exact. Le chapitre 16, verset 4, le chapitre 16, lis-nous ça. Chapitre 16, des Proverbes, tu étais au chapitre 16, verset 1 et verset 9 aujourd'hui. Lis le verset 4 du chapitre 16, voilà. Écoute ici, hein. Proverbe chapitre 16, verset 4. Proverbe chapitre 16, verset 4. À haute voix. L'Éternel a tout fait pour un but. Oui. Même le méchant pour le jour du malheur. Donc, un jour du malheur, c'est quel jour par exemple? Le un jour d'accident par exemple. Oui. Donc quand il part précipité là, qui l'a conduit là-bas? Tu veux pas dire frère? Non, je veux pas que ça saute de ma bouche. Ok, c'est que je peux répondre à la question. Des questions? Avez-vous des questions? Et pose aussi des questions. Qui veut poser des questions ici? Oui, pose. C'est là que moi, je pose la question. Avant qu'on me pose des questions ici, il pose la question. Bonne question. Il y a une question. Ouvre 2 Timothée rapidement. Prenons ici. Ok, frère, ça concerne ma femme. La Bible dit que la femme doit apprendre en silence. Oui. Entre temps, je vais juste un peu essayer de citer quelque chose. Mm-hmm. Il s'est passé, bon, peut-être disons, quelque part, il s'est passé un truc que la femme ne doit pas parler. Et puis elle est peut-être comme disons, ils sont fatigués. Et vraiment fatigués. Et voilà, un frère dit, ah, Dieu merci que les femmes ne peuvent pas parler. Pourtant, eux, ils sont bien soumis, mais la femme est vraiment abattue. Il dit Dieu merci que les femmes ne peuvent pas, qu'elle n'a pas le droit de parler. Mmh. Alors que c'est la fatigue. Alors que c'est la fatigue, on voit comment elle est bien abattue. Oui, abattue par quoi? Par la fatigue. Par la fatigue. Bon, si elle n'était pas fatiguée, qu'est-ce qui s'est passé? Si elle n'était pas fatiguée, oui. Elle devait bien tenir. Qu'est-ce que la fatigue a à voir avec, l'enseignement de la femme? Et le fait qu'elle ne doit pas parler. Non, c'est que j'ai dit que je prends juste un truc comme ça pour poser ma question. Ok, pose la question là. Ok. Puisqu'elle est fatiguée et abattue, et les autres qui sont les hommes sont solides. Et voilà, une personne dit, ah Dieu merci qu'elle ne peut pas parler. Mm-hmm. Et moi, donc savoir, est-ce que c'est parce que la femme n'a pas le droit de parler que... cette personne dit ça. Hein? Qu'on doit peut-être l'écraser. Non, quand tu vas rencontrer ces personnes-là, tu lui poses la question. C'est pas à moi que tu dois poser la question. 2 Timothée, chapitre 3. Tu y es. Verset 16. À haute voix. Après ça, tu ouvres Romains, chapitre 12. Chapitre quoi? Je dis chapitre quoi? Chapitre 3, le verset 16, qu'est-ce que ça dit? Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, oui. Pour convaincre, pour corriger, pour instruire. Stop d'abord. Donc, lis ça à haute voix. Toute écriture est inspirée de Dieu, oui. Et utile pour enseigner, pour convaincre. Le premier mot, c'est quoi? Utile pour enseigner. Oui. Pour convaincre. Oui. Pour corriger. Oui. Pour instruire. Le quatrième, c'est quoi? Pour instruire. Donc, dans cette même phrase, c'est toujours quoi et quoi que tu as posé comme question? Et donc ça veut dire que quand, comme les deux se trouvent déjà là-bas, c'est déjà différent, d'accord? Donc l'instruction est différente de l'enseignement, d'accord? Les questions? Oui, frère. Oui. Exode chapitre 33, le verset 18. Oui. Et là, on assiste à une conversation où Moïse veut voir le Seigneur. Oui. Et également, dans le texte de verset 20, le Seigneur lui fait comprendre que nul ne peut le voir et demeurer en vie. Oui. Par contre, en Genèse, le chapitre 18, on peut comprendre qu'il a dîné avec Abraham. Oui. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Et également aussi dans le Nouveau Testament, il est venu sur la forme humaine à travers le Jésus-Christ. Comment comprendre ça que nous avions vu ce Dieu et nous avons touché? Car alors qu'il s'est dit que nul ne peut le voir et demeurer en nous. Dieu avec quelle forme alors? Pardon? Dieu qui l'avait vu, il avait quelle forme? Dieu qui avait vu qui? Dieu qui avait mangé avec Moïse, il avait quelle forme? Avec Abraham, pardon. Avec Abraham. Mais il a mangé aussi avec Moïse. Avec Moïse. Il y avait 70 personnes, ils ont vu même ses pieds. Bon, justement, je veux savoir qu'est-ce qu'il dit ici qu'on ne peut pas voir et demeurer en vie. Ils avaient vu quelle forme d'abord? Quand on lit le verset, on comprend que c'était une forme humaine. Ouvre Jean chapitre 4. Ouvre ta Bible rapidement, avant qu'on continue. Pendant que tu ouvres, des questions? Prenez les Bibles, si vous voulez poser des questions, ouvrez d'abord les Bibles, ne pas perdre le temps comme ça là. Appelle-moi. Ta question c'est quoi? Je voulais savoir, frère, je voulais savoir si dans Actes chapitre 2 où on dit qu'ils étaient ensemble au temple et ils persévéraient dans la façon de faire. Tu voulais dire quoi? Oui, donc je voulais savoir si la façon de faire a un rapport à voir avec... Il faut écouter l'enseignement sur la scène, c'est là-bas. Continuons des questions. Avez-vous des questions ici? Comment? Le varon a fait quoi? Honorer les parents. Ça, répondre à quoi? Toi tu as dit que tu ne savais pas, non? Pas dans le cadre du mariage. Ok, dans le cadre du mariage, tu as finalement réfléchi. Tu as finalement réfléchi. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ok, on va essayer. Oh, maintenant, j'ai dit quel livre déjà? Jean le chapitre 4. Lise le verset 24. Jean le chapitre 4. À haute voix, d'accord? Le verset 24. Oui. Je suis dans le français courant. Que ce soit n'importe quand même, c'est l'anglais. Lise, c'est mort. Okay. Dieu est esprit. Stop. Regarde-moi. On a dit quoi, moi? Dieu est esprit. Toi, tu as dit qu'ils avaient vu quoi? Ils avaient vu Dieu. Quel genre de Dieu? On a dit Dieu est humain ou Dieu est esprit? Dieu est esprit. Mais ils avaient vu quoi, donc? Ça veut dire qu'ils ont vu un esprit. Je vais tomber évanoui. Tombe évanoui. Vous voulez tomber évanoui? La Bible déclare que Dieu est comment? Que Dieu est esprit. Toi, tu as dit qu'Abraham avait mangé avec qui? Il avait mangé avec le Seigneur. C'était qui ça? C'était Dieu avec qui il mangeait. Et on a, c'est quelle forme? C'était la forme humaine. Dieu a quelle forme? Ici, Jean, Dieu est esprit. Oui. Et là-bas, c'était quel genre de Dieu? Là-bas, il est descendu sous forme humaine. Il est descendu sous la forme humaine. Humaine. C'était l'esprit. Non, ce n'était pas l'esprit. Donc, ce n'est pas Dieu là-bas. D'accord. Ésaïe chapitre 6. Donc, c'est une forme de Dieu sans être Dieu. Ésaïe chapitre 6. On était où ici? Non, on n'était plus ici. Ici, on avait la fin avec celui-ci. Ouais. Posez autre question. Quand la Bible parle des enfants rebelles dans les temps difficiles, là, est-ce que les enfants qui sont rebelles, là, est-ce qu'il est possible que l'enfant d'un frère soit rebelle au point où il porte tous les caractéristiques de la parole aussi, et en lui posant ta parole, ton frère non, laissant la question. Donc, ce n'est même pas une question en réalité, non? Allons-y, verset 1, l'année de la mort du roi Ozias. C'est l'année où mourut le roi Ozias. Oui. Dans une vision, j'aperçus le Seigneur assis sur un trône très élevé. Oui. Il aperçut qui? Le Seigneur. Oui. Assis sur un trône très élevé. Oui. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Comment? Les pans. Donc l'esprit avait porté le manteau même. De son manteau remplissait le temple. Oui. Des anges flamboyants se tenaient au-dessus. Tu parles des français, courant. On continue. Il avait chacun six ailes. Deux leur servaient à se cacher le visage, deux à se voiler le corps et deux à voler. Ils criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint, le Seigneur de l'univers. La terre entière est remplie de sa glorieuse présence. Oui, maintenant, quelle est la réaction des ailes? Continue, frère. Verset 4. Leur voix faisait trembler les portes sur leur pivot. Mmh. Et le temple se remplit de fumée. Oui. Tu as suivi la fumée là, non? Je dis alors, mmh, hélas, me voilà condamné au silence car mes lèvres sont indignes de Dieu. Et j'appartiens à un peuple aux lèvres tout aussi indignes de lui. Lis-nous exactement l'endroit. Écoute bien ici. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'éternel des armées. Lorsque vous allez, on dit que ses yeux ont vu le roi, l'éternel des armées, il dit qu'il est fini parce qu'il vient de voir cela. Quand vous allez lire le livre des Juges au chapitre 3, 13, lorsque Manoac et sa femme vont voir cette femme, la maman de Samson, quand on voit l'ange de l'éternel, on encore dit que oh, on est fini. Quand il va entendre le feu, il va disparaître, on dit qu'on est fini. On a vu l'ange de l'éternel, on est fini. Parce qu'il ne s'attendait pas voir. Mais Jésus vient dans la nouvelle alliance, dans Jean, il dit personne n'a jamais vu Dieu. C'est pas ça? Il dit personne n'a jamais vu le Père. Abraham avait vu qui alors? Son petit-fils a même bagarre avec lui, pas vrai? Exact. Mais ses frères, exactement. Isaïe dit qu'il a vu le roi des rois, le Seigneur de l'univers. Au point où quand les anges chantaient Saint, Saint, Saint, toutes les portes étaient ébranlées. Pas vrai? Ézéchiel en a vu au chapitre 5 d'Ézéchiel, ça décrit comment au-dessus de lui était une forme d'homme, était assis là-bas. Au point au-dessus de lui, il y avait l'arc, dans le soleil dans lequel était cet homme, n'est-ce pas? Il était tellement glorieux au point où les trônes étaient faits de chérubins. C'est pas ça? C'est ça. Mais Jésus se tient là-bas, il dit personne n'a jamais vu Dieu. C'est pas ça? C'est ça. Alors dis-moi alors, qui est-ce que ces gens-là voyaient? La photocopie. C'est la photocopie. Ben, je me dis putain, c'est terrible. Bon, maintenant, quand il a dit ça, un de ses disciples a dit, Seigneur, ok, comme personne n'a jamais vu, montre-nous le haut. Le Père, cela nous suffit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait comprendre que depuis qu'il a vécu, ils n'ont pas vu le Père. Donc qui est le Père alors? Jésus lui-même. Bon, depuis qu'ils sont là-bas, tous les gens qui le voyaient le touchaient, quelqu'un est mort. Personne n'est mort. Bon, comment donc comprendre que nous ne pouvons voir Dieu et ne pas mourir? C'est un vrai problème, vraiment. T'as vu, tu vois que c'est un problème, non? C'est un problème. Donc la Bible, c'est un problème. Donc mieux on lit comme ça, on obéit. C'est pas ça, mon frère? Des questions? Des questions? Tu es mort depuis que tu as vu Jésus? Bon, la peau de pied qu'il a vu, il est mort. Il mangeait au milieu de l'assemblée, c'est tout comme ça. Il dit, tes femmes, tu es délivré des infirmités. Tes péchés se sont pardonnés. Les gens ont déchiré la Bible. Mais qui peut pardonner le péché alors que Dieu? Il dit que même sur la terre, je peux pardonner toujours le même péché. Ce n'est pas seulement au ciel que je pardonne le péché. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit pas. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché. D'accord? Il dit, le lieu où Dieu pardonne le péché, c'est parce qu'il soit au ciel. Même étant ici, il peut toujours pardonner. N'est-ce pas? Le frère respire vraiment. Alors, des questions? S'il n'y a pas de questions, je vais commencer à vous parler parce que j'ai des questions sur le cœur à vous poser. Il pose à qui? Il y a encore une question. Oui. Je veux savoir également. Les filles, c'est elles, il avait dit que tu les aides. Parce que quand tu formes ça, là, au mieux, il ne pose pas de questions. Je voudrais savoir également, parlant des conseils que donne l'apôtre Paul, oui, relatifs au mariage. Oui. Il fait comprendre qu'il y a surtout cette expression-là qu'on utilise, celui qui brûle, qu'il se marie. Oui. Est-ce que ce n'est que la seule issue dans la situation pour quelqu'un qui brûle? Bon, si tu te maries, tu vois tes maris étant unique. Étant unique? Oui. Non. Parce que tu n'as pas de brûlure, non? C'est pas ça, hein? Je comprends. C'est l'incontinence qui fait cela, n'est-ce pas? Effectivement. Voilà. Par les temps qui courent, il dit qu'il n'est pas bon de se marier. Tu comprends? Effectivement. Ne te marie pas, toi, frère. Les jours sont mauvais. Les femmes sont de plus en plus mauvaises. Frère, ne te marie pas, tu comprends? Non. Laisse-nous la faire là. Hein, frère? Je comprends, non? Comprends. Bon, dis-nous la vérité. Tu n'as pas une soeur que tu regardes? Pardon? Tu n'as pas une soeur que tu regardes? Non. Tu ne regardes encore personne? Non, pas encore. Mais tu comptes regarder? Non, je compte regarder. Comment? Non. Écoute l'exhortation. Oui. Par les temps qui courent, je voulais que vous vous évitiez des femmes. Que celui qui n'a pas de femme ne cherche pas à avoir. Tu n'as pas de femme, non, frère? Exact. Comprends ça, ne cherche pas à avoir. D'accord? Hein, frère? J'ai compris, non? Ok. Des questions? Frère David, il y a des questions? J'ai une question, frère. Donc, il faudrait qu'il te dise que tu as une question. Pourquoi tu dis que tu as une question? Oui, allons-y, alors. En fait, ma question, c'est. Mais le frère là, c'est Alex, c'est ça? Tu étais ici depuis le début? Oui, il était là. Toute la séance qu'on a fait là, tu étais ici? Juste parce qu'il était salé comme ça? Yes, c'est fort. Oui. Je veux savoir, comment ferais-je un frère qui a eu à lui-même un mariage à une soeur? Pourquoi vous avez ce monde depuis tous les trucs qu'on a vu ici? On a parlé de vivre selon Dieu, vivre craindre Dieu. La torche, la lame est une parole, la parole est une lame à Dieu. Comment ébouiller à Dieu? Il faut fuir la fornication, fuir tes choses aussi, fuir, vivre sans péché, ainsi de suite. C'est le mariage seulement. Vous voulez vous marier? Attends, vous tous vous voulez marier? Qui veut vivre devant Dieu sans mari? Yes, oh. Vous les hommes là, personne ne veut vivre unique. Il y a les apôtres de Paul. Hein? Tu es apôtre pour lui. Celui-ci vient de dire qu'il ne l'inclut pas dedans. Donc si tu fais tes projets avec l'apostolat, il n'est pas dedans. Donc si tu comprends, mais tous les gens de cette maison-ci aiment l'apôtre Paul, sauf là où il dit que ceux qui ne sont pas mariés continuent comme ça. Il dit qu'il voulait vous éviter des tribulations dans la chair. Mais si quelqu'un manque d'incontinence, mariez-vous, car il vaut mieux se marier que de brûler. C'est pas, tu aimes ça, non, frère? En fait, j'aimerais bien plus comprendre cette question, puisqu'il écrit comme ça des personnes spirituelles. Oui. Est-ce que quelqu'un de spirituel peut avoir un tel penchant? Pardon? Mais quelqu'un de spirituel peut accoucher d'enfant? Oui. Comment il fait pour aller accoucher d'enfant? On n'accouche pas un enfant spirituellement, d'accord, frère? Mm-hmm. Même si tu es spirituel, n'importe comment, tu accouches d'enfant comment? Charnellement. Voilà. Parlant de ce principe spirituel, quand quand le Seigneur a créé Adam et Ève, ils étaient spirituels, nos frères. Je veux savoir quand il dit d'aller multiplier vous, comment dans les noms. Il a dit allez multiplier ça vous là-haut. Dans l'esprit. Bon. Dans ma jeunesse. Quand Jésus a dit qu'allez multiplier, quand on a multiplié, tu es devenu chrétien, on t'a accouché chrétien. Non. Ouais, il veut pas déranger ça. Non, tu ne déranges pas, c'est le chrétien. Moi, est-ce qu'il dit que tu déranges? Hein? Les chrétiens, les premiers chrétiens ont multiplié jusqu'à nous, non? C'est Pierre qui t'a accouché. Comment? Tu as compris ce que je t'en ai dit? Quand Jésus a dit allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création, le but c'est de nous faire, c'est de faire engendrer les chrétiens, non? On a été engendré par naissance naturelle. Non. Voilà. Donc en réalité, quand il parle de ça, il parle de l'engendrement. D'accord? Quand le péché est entré maintenant, c'est là où on a permis le sexe. Le sexe est venu avec le péché. Mais il n'avait pas dit comment il devait faire. Tu comprends cela? Hein? Genèse chapitre 1. Allons, Genèse chapitre 1. Vous remarquez que maintenant vous êtes engendré. On prêche sur vous comme ça. Vous êtes engendré, non? Hein? Amen. Quand Dieu lui dit, est-ce que Dieu peut dire que le curé sort ici, le curé sort? Que le singe soit ici, sort, okay. Sans passer par un autre singe. Ok, c'est bon. Allons-y, verset 26. Dieu vit que cela était bon. Oui, il dit chapitre 1, verset 26. Lui, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. C'est sa numérotation qui le dérange. Allons-y, mon cher, lis. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Oui. Continue. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Mm-hmm. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, trois, et la sujettissez. Voilà l'ordre qu'il a donné à la création. Comment multiplier, comment assujettir, comment être fécond, comment? Seulement être en état charnel. En fait, c'est parce que tu es dans l'état charnel maintenant. Si j'étais dans cet état, tu ne devais pas savoir comment de le faire. C'est pour ça qu'au chapitre 3, ça finit en disant que l'homme était nu avec sa femme, il en avait 1.11. Donc il ne savait pas ce qu'il fait avec cette chair-là. C'est comme ça que ça finit là, au chapitre 3, verset 25. Le dernier verset du chapitre 3. D'accord? Donc il ne savait pas ce qu'il fait jusqu'à ce que le serpent entre au milieu pour leur expliquer. Des questions là? Oui, frère, il vous reste qu'on soit toujours pas en Genèse là. Oui. Genèse, le chapitre 1, nous parle de la création. Mm-hmm. Et ça, cela achève avec la fin du verset qui fait comprendre que Dieu créa le ciel et la terre en 6 jours. Le 7e jour se reposa. Oui. Mais quand on avance au niveau du verset 4 du chapitre 2, oui. C'est comme si on assiste encore à une récréation. Non, une réexplication, plus en profondeur. Ce n'est pas une récréation de la vie. Il y a deux créations, frère. Non, c'est ce qu'il voulait savoir. C'est une réexplication. Il y a eu deux terres. Okay. Il y a eu deux verdures que Dieu a créées. Là-bas, voilà l'homme qu'on a créé, non? Au chapitre 1, non? Mm-hmm. Le verset 18 dit quoi? Du chapitre 2, là. Le verset 18 du chapitre 2 dit... Le Seigneur Dieu se dit... Non, laisse ta version là, pardon. Lis-nous le verset 18 du chapitre 2. Chapitre 2, verset 18. Allons-y. L'Éternel Dieu dit... Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oui. Je lui ferai une aide semblable à lui. Oui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Oui. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Oui. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Oui. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit de ses côtes et renferma la chair à sa place. La personne qui a donné le nom des animaux, si on l'appelle comment? Adam. Adam. Oui, continue ici. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Stop. Rentrons au chapitre 1, toi. Lis-nous le verset 27. Verset 27 dit, Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même. Il les créa homme et femme. Bon, donc combien d'Adam il a créé? Ici, si je regarde, on dit Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même. Il les créa homme et femme. il a créé un seul Adam. Et combien de femmes? Une seule. C'est quand au chapitre 2 là, c'est lequel Adam encore? C'est là-bas, on a dit qu'il fait tomber le sommet sur l'homme et il a pris une côte, il a fermé la place pour faire la femme, non? Exact. Mais ici, on veut dire qu'il a créé l'homme et la femme. On a seulement dit que l'homme et la femme ont déjà été créés. Mais là, par la suite, on vient maintenant d'y donner au chapitre 2 le processus, comment il a fait pour faire la femme. Ce n'est pas une nouvelle création. On a envie d'expliquer ce qu'on a dit là-bas. Là-bas, on n'a pas donné les détails. Maintenant, ici, on donne les détails. D'accord? Amen. Est-ce que tu sais que tu as été créé à partir de l'eau normalement? Exact, je sais, frère. Le texte d'un Jean chapitre 5, le verset 16. Oui. C'est quoi le péché qui mène à la mort? Il faut écouter donc attention au blasphème contre le Saint-Esprit. C'est le titre d'enseignement. Attention au blasphème contre le Saint-Esprit. Oui. D'accord. Autre question? Oui. Maintenant, vous posez n'importe quelle question. Maintenant, si ça a travaillé ensemble, je vous renvoie rapidement. Des questions, les jeunes femmes? Il y a des femmes uniques ici. Il y a des femmes, toutes les femmes qui veulent se marier. Tous les hommes qui veulent se marier. J'ai une question. Oui. Je veux savoir si c'est obligé que j'épouse une femme ici. C'est sa question. Vous savez, oui, quand, même pour toi, on riait, non, laisse-nous rire d'abord un peu. Vous savez, il y a de ces formes à l'université. Dans le monde, il y a de ces formes. Au point où Léo demande que mère. Les sœurs s'habillent bizarrement. Quand je regarde ici, ils ne voient même pas mon nom. Ok. Donc, quand elles guettent comme ça, vous savez pourquoi les goûts doivent être changés. Les standards doivent être changés. Les choses vertueuses doivent venir sur le cœur. Que tout ce qui est pur, tout ce qui est vertueux, tout ce qui mérite la loi soit l'objet de vos pensées. Donc, quand elles guettent comme ça, ils regardent les formes de l'hygiène, faire le président, ils disent non. Les sœurs ici, toujours avec Kaba. Frère, je ne dis qu'on va jusqu'en bas ici, là. Après, pose la question, est-ce que c'est obligé que ce soit ici au milieu qui trouve sa femme? Il y a une loi qui dit que trouver votre femme dans votre milieu, même dehors, même ici dans ce milieu-ci, la Bible dit que pour que tu trouves, il faut que Dieu t'ait aimé grave. Parce que si Dieu te laisse que tu trouves ta femme que j'ai créée pour toi, tu vas savoir ce qu'il est question de. Comment c'est difficile pour les trouver. On dit celui qui trouve une femme trouve quoi? Le bonheur, car c'est un don qu'il obtient de la part. Il faut que Dieu puisse parler que Léo, ta fille, ce n'est pas la fille qui a la forme que tu regardes là. Tu dois savoir de quoi la question. C'est pour ça que votre cœur doit être nettoyé. Pour que ce soit votre femme à vous qui vient. Si ce n'est pas comme ça, oubliez, vous allez faire le mauvais choix. Faire le mauvais choix, ça veut dire que désormais, tu dis que si c'était je regrette ce maudit jour où je t'ai rencontré. Comme ça va arriver. Donc les formes, parce que si elle fait comme ça là, tu dis que waouh, tu marches bien. Attends que le bain, c'est qu'il casse ses pieds. Elle fait maintenant comme ça. Tu vas savoir que la démarche n'était pas une bonne démarche. Des questions? Permettez-moi un de ces jours, rappelez-moi que je vous enseigne sur les jeunes et les mariages. On répond à toutes les questions vous concernant, d'accord? Vous êtes partant? Le 11 février, donc, vous êtes invité encore ici. Le 11 février, on se rencontre ici. Dieu vous lance ici au Cameroun. 11 février, on se trouve ici. On parle des jeunes et le mariage dans tous ses aspects. On répond aux questions. Les questions qu'on va poser, c'est, on répond, c'est seulement dans le cadre du mariage. Je suis d'accord. Voilà. Et là, je vais aller dans vos vies, vous poser aussi des questions. Vous êtes d'accord? Amen. Tu es encore d'accord aussi, aussi? Des questions? Oui, frère, j'ai une question. Oui. Lorsque la Bible dit que vous avez été engendré par la parole de vérité, oui. Vous voulez savoir à quel moment? C'est lorsque la parole est réussie que l'engagement est là ou bien c'est pas la parole. Il faut écouter l'enseignement, naître de nouveau, oui, mais comment? Des questions? J'ai aussi une question. Oui, pose la question. Ok, la convoitise, c'est quoi? Si par exemple. Oui. Quelle est la convoitise? La convoitise, quoi? Des yeux. Ok. Parce que ça passe devant moi, je vois. Ça passe devant toi, tu vois? Oui, vas-y alors. Ok. Si par exemple, je vois une tennis. Oui. Et que... Ah, comme l'histoire de tennis que j'ai parlé tout à l'heure là pour toi là. Non, c'est pas pour ça. Non, c'est un exemple. Il dit comme l'histoire de tennis que j'ai parlé là. Okay. Si je peux, je demande d'où je peux avoir cette tennis. Il y a cette tour à combattre. Non. Tu as dit tu peux avoir. Qu'est-ce que le tennis que tu nous indiques là à avoir avec ton regard? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as lu dans la Bible le péché d'Akan. Tu connais ce qu'on appelle Akan dans la Bible? Qui connaît Akan? Pour rentrer, tu lis le péché d'Akan, d'accord? Même le 11 février, comme c'est la fête de la jeunesse, on va voir la jeunesse dans la fête, d'accord? Des questions? Donc souviens, quand tu vas lire le péché d'Acan dans le livre de Josué, garde la question que tu as posée là. Quand tu vas arriver à la place bien précise, tu vas y revenir, d'accord? Moi, je lis tout le jeu. Non, j'ai dit que là où on parle des péchés d'Acan, c'est dans la Bible, dans l'eau. Des questions? Moi, je vous pose une question. Il peut vous poser une question. Vous êtes prêts à me répondre? Hein, les enfants? Vous allez répondre? Si vous sortiez maintenant et que vous mouriez, vous êtes sûr à 100% d'être devant le Seigneur Jésus-Christ au paradis? Bonsoir. Bonsoir.